Ça fait des mois que je manigance cette opération lucrative. C'est le jour J, je me lance, faut que je récupère ces valises. Direction Montparnasse, il est 8h, un train m'attend. J'oublie pas mon pare-balles et si ça se gâte, j'ai l'armement. Je pêche au mon contact et récupère les colis. Bien discret pour la transac, en évitant la police. Pour être à l'aise sur le trajet, je prends un rail contre l'adrénaline. Je fais composter mon ticket, puis m'installe côté de la vitre. Impossible de dormir car je ne cesse de cogiter. Vas-tu sauter aujourd'hui, sachant que les stups sont agités? 3 heures de voyage, Marseille, le train s'arrête à quai. Je repère des types bizarres, je sens mes veines se rétracter. Plus loin dans la gare, je vois qu'il y a la police partout. Leur regard se détourne vers moi, je lâche les valises d'un coup. J'ai la poisse, il est trop tard, j'ai déjà les menottes à genoux. La cocaïne et les armes ont envoyé direct au trou. Je suis un vagabond, dans mon flow les vagabonds. J'passe de wagon en wagon, surtout de wagon en wagon. Pas de destination précise, je suis mon instinct. Pour l'instant, j'me pose pas de questions sur mon destin. J'vais là où la vie mène, j'suis un MC tout terrain. J'm'en bats les reins pour dormir à Paname, je squatte les souterrains. Passe ma vie dans le métro, RER, TER. J'attends le TGV qui va pas TAR, DER. J'regarde pas les horaires, nord, sud, est, ouest, ça m'est égal. Avec ou sans méga, l'aventure c'est un régal. J'suis un voyageur sans bagages et sans caravane. Une fois j'ai même dormi dans la soute d'un caravane. J'ai toujours mon sac des affaires et ma progéniture. J'ai pas une rentrée d'argent et j'raille des grecs sans garniture. Depuis je zone dans l'hexagone avec la vie, j'suis en lutte. La galère j'connais, j'viens de la rue, pas comme Jean-Luc. Ma vie c'est ça, ce voyage en train. J'attends sur le quai en gare de Rennes. Un bic, un casque, voilà je m'entraîne. Le souffle au cœur s'égare mes rêves. Un beat, une basse, c'est grave d'un trait. Seul à l'écart, mélodie reine. Le beat, une brasse, c'est prône l'entraide. Ce monde une carotte, les mêmes qui rament. Assis perdu contre la vitre, en deux wagons, l'engin démarre. C'est hyper dur de combler un vide. Trop dit wagon, bien et mal. De ville en ville, donc je prends le mic. Je parle d'injustice dans tous mes 16. Sans aucune gloire, je rencontre des gens. Monde inégal, l'écart se creuse. Seul le partage renforce l'échange. Ma vie se forge, tout sur mon chemin, je suis reconnaissant. Chaque jour j'apprends, du mieux possible, le bien j'apporte. Et je m'aperçois que on insulte quand le chagrin harponne. Moi dans la vie, je suis qu'un arpète. Et sur les ondes, vois contre arpène. Hip hop, j'arrive en gare, j'ai rendez-vous. Voilà un hip hop, t'as vu mon regard, je me baisse la voix. Mais dites-moi, qui voudrait rester seul sur le quai de ses gares? Vous savez, là où beaucoup dans leur quête s'égare et prête au Seigneur ce qui leur vaut cette procédure. Pas étonnant que l'avenir proche est dur, car de mauvais rails ont tendance à trop séduire. Tous embarqués dans la vie à trop grande vitesse, dans des wagons où la terre menace. Espérons qu'à terme naissent pour nos gosses des correspondances. Échappe à l'enfer du terminus. Voyageur sans bagages, j'ai envie de faire terminus. Sur le beat, balance une pure minace. Sous la fracture sinistre, on nous enferme dans des classes, puis des compartiments. Tente de réguler nos comportements. Mais ce qu'on a scène, c'est ouf. Pourtant, ça brasse pas des liasses comme la SNCF.